Son rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, bandi à la planète, à la familia, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une agréable nuit aujourd'hui. Ah là là, ça va être catastrophique, hein. Les manifs hein, à Orléans, d'ailleurs rendez-vous à la cathédrale à partir de 10h. Les trains perturbés, les bus perturbés, les écoles fermées, mobilisation quasiment en général. Donc si vous avez choisi le télétravail, eh ben, c'est mieux. Sinon faites gaffe si vous allez en ville, hein, ça va être compliqué, très très compliqué aujourd'hui justement. Si vous allez à la manif à 10h, bah appelez-moi, tiens, avant aujourd'hui, avant 9h, 02 38 43 48 00. On en parle un petit peu de cette grande manif nationale qui va démarrer, je vous le dis, à Orléans. C'est à 10h à la cathédrale et puis dans tout le Loiret aussi, à Montargis, à Pithiviers, il y en a un petit peu partout. Je vous le disais, les bus Rémi quasiment inexistants aujourd'hui, ou alors très très peu. Les lignes de train aussi quasiment inexistantes, ou alors à faible dose, hein. Renseignez-vous sur le site de Rémi pour les bus, sur SNCF, vous allez voir c'est assez compliqué ce matin. Et il faut se battre pour les retraites. Du son qui arrive pour bien démarrer cette matinée. Et Hello Me, c'est de la Kizomba sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et bon réveil. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Arc-en-Ciel. 7h, 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Without your splendor, drawing me in and you kicking me out. My head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful night? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's under. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Comme ça. De vous retrouver comme ça à 7h08 avec l'ambiance tropicale décibels. Manif aujourd'hui hein, sur Orléans, rendez-vous à 10h à la cathédrale pour tous ceux qui veulent aller défendre les retraites. Et bien c'est ça le rendez-vous aujourd'hui à 10h. Si vous y allez justement ce matin, appelez-moi avant 9h 02 38 43 48 00 qu'on fasse un petit débrief ensemble. Bah oui, ça serait bien. En tout cas, les bus Rémi vont être bloqués aujourd'hui quasiment à 80%, on va dire, la SNCF aussi. Il y a même des collèges, des lycées fermés sur Orléans qui vont se rendre justement au manif à 10h. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. En plus, je suis la standardiste ce matin. Surtout Portugal qui arrive avec Tony Carrera. Et on aura aussi le petit remix de Daniel Balavoine, l'Aziza version 2023. Belle journée et bon réveil sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Não foi assim. Eu me... bonne vie à la famille, 7h14 minutes avec le King là-haut, hein, Tony Carrera. Belle journée, bon réveil, bon petit déj à vous si vous nous réveillez tranquillement, tout en douceur avec Monsieur Carrera de Portugal. La météo. La météo pour aujourd'hui, le ciel est assez nuageux ce matin avec quelques rayons du sol, mais très très timide, hein. Faible rayon de soleil, mais profitez-en parce que demain et quasiment toute la semaine, la pluie va reprendre le dessus. Les nuages sont bien installés. 4 degrés au lever du jour, on ne dépassera pas les 8 voire 9 degrés. Courage à vous si vous allez au taf ce matin, ça va être assez compliqué pour ceux qui se rendent dans le centre-ville d'Orléans. Et je vous l'avais promis, la version 2023 de Daniel Balavoine remixée par le DJ La Petite Folie sur Radar Franciel. Belle journée et bon réveil. Votre réveil matin, c'est Francky. Francky. las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Esa es mi boca, tu favorito, favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando. 7h-9h, c'est Francky dans la radio. Belle journée, bon réveil, courage à vous si vous allez au taf ce jour-là, parce que ça va être assez compliqué. Bah oui, enfin, prendre un peu vos devants. Je vous le rappelle, les bus Rémi sont quasiment à l'arrêt, la SNCF aussi. Beaucoup de collèges, de lycées fermés ce matin. Justement, la manif, hein, c'est rendez-vous à 10h à la cathédrale. Si vous y allez, n'hésitez pas à vous m'appeler ce matin. 02 38 43 48 00. Delia Hines, les années 96-97. It's all right. Belle journée et bon petit déj. And here we go. I can tell how you feel. I know what you like. Can't mess with the groove or trip the vibe. Don't you be afraid, baby. Don't be shy. Cause I see what you want shining in your eyes. And I can feel the heat that you try to hide. But that's the Le meilleur des souvenirs, vous avez dansé là-dessus, vous avez fait la fête, j'en suis sûr, Denis Hines. It's alright, it's okay. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. On vous réveille, et en plus on manif ce matin, 10h, rendez-vous à la cathédrale, je vous le disais. J'ai un scoop là, énorme, hein. Il s'appelle Elvis François, il a survécu en mer pendant 24 jours, et ce, grâce à une bouteille de ketchup Heinz. Ah ouais, énorme petite histoire que je vais vous raconter rapidement. Son voilier a dérivé pendant 24 jours, il s'est retrouvé seul au monde, un peu comme le film avec Tom Hanks. Et pour survivre, il avait rien à manger, il avait une bouteille de ketchup et deux cubes, là, vous savez, pour faire la cuisine. Donc qu'est-ce qu'il a fait pendant 24 jours? Il a pris de l'eau, il a mélangé ça avec le ketchup et les petits cubes, il s'est fait une espèce de petite soupe, et grâce à ça, pendant 24 jours, il a réussi à survivre. Il a été retrouvé par les gardes-côtes 24 jours après. Il a raconté son histoire. Ça a touché justement la société Ketchup Heinz qui lui ont offert non pas un ketchup à vie, hein, mais ils lui ont offert un nouveau voilier flambant neuf. Si ça, c'est pas un beau cadeau. En tout cas, bravo à lui. Et puis, ça avec force et courage, hein, Elvis François, ce Dominicain de 47 ans qui a réussi à survivre grâce à cette bouteille de ketchup. Ah, comme quoi, dans la vie, voilà, le ketchup, ça peut servir. Du son qui arrive, il sera notre invité radio au téléphone depuis Paris demain. Mon ami Rodrigo Hayes, Bye Laila, avec son nouveau single qu'on écoute. Et demain, il sera avec nous au téléphone et ça me fait vraiment plaisir. Vous savez, vous pouvez le retrouver sur TF1, sur Max Tinger et puis aussi sur le parc Euro Disney. Voici Bye Laila, Rodrigo Hayes. De la pista canta na na na, como si tú fuera Camila la la, rompiendo caderas a na na na. Basta bla bla bla, al medio de la pista canta na na na, como si tú fuera Camila la la, rompiendo caderas a na na na. Baila la, tu vida baila la, tranquila baila la, como si esta noche fuera la última. Baila la, tu vida baila la, tranquila baila la, como si esta noche fuera la última. Sin fracaso, cuando tú meneas ese cuerpazo, en medio de la pista, deja tu problema fuera de vista, mano en la cintura, siempre estás lista, bailando la vida no puede ser fatalista. Bailala, tu vida, bailala, tranquila, bailala, como si esta noche fuera la última. Bailala, tu vida, bailala, tranquila, bailala, como si esta noche fuera la última. Arc-en-ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Sexy baila y me deja con las ganas. Qué bien me queda día esa maldita. Ella señora, no es señorita. Sexy baila y me deja con las ganas. Cómo te luces cuando lo menetas. Cuánto quisiera hacerte el amor. Enséñame lo que sabes. Si necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi cuenta, no dale. Como juega, no como animales. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi cuenta, no dale. Vamos a pegarnos como animales. Let's go. Let go, let go. Let go. 7h30, 100% caliente, Rayos del Sol. Son rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Mandy à la planète, à la familia, j'espère que vous allez bien. Vous venez d'arriver peut-être sur Orléans, comme Carlos qui nous dit salut Francky. Moi je vais à la manif à 10h, pétante, j'ai mon drapeau, j'ai tout. Bah ouais, fallait crier, fallait faire du bruit. Rendez-vous à 10h à la cathédrale pour vous. Vous pouvez nous appeler 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Et puis 100% Loiretain, soirée Loiret. Aujourd'hui le Paris-Nice qui va passer à Dampierre en Burly aux alentours de 15h. Donc si vous êtes dans les parages là-haut, eh bien allez les encourager. Voilà, direction Dampierre en Burly pour le Paris-Nice 100% Loiret aujourd'hui, et ça se passe vers 15h environ. Voilà, il va passer peut-être près de chez vous, près de la centrale nucléaire peut-être. Le DJ Berta qui arrive, et vraiment ça baila à mamé, et ça vous l'adorez le matin, c'est votre coup de cœur. Ça fait du bien, 7h34 minutes. Salut à Elodie qui vient de se connecter, qui nous dit salut Francky, belle journée. Je vais à 10h à la manif aussi, voilà, avec l'Italie peut-être Eros Ramazzotti. Samasta, c'est una canzone. Belle journée et bon réveil. Un milione di volte, bastasse già. basta sera. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte. Visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovare seja. Sur les gondoles à Venise avec Eros Ramazzotti qui nous chante une belle chanson d'amour tranquillement. Mais non, on est à Orléans et puis il y a les manifs aujourd'hui en plus à 10h. Oh là là, ça va être un peu le bordel, hein, je vous le disais, les bus Rémi, il y a même des collèges fermés, les bus Rémi qui vont quasiment pas circuler, les collèges, les lycées quasiment fermés, c'est mobilisation quasiment générale aujourd'hui, hein. Donc prenez votre mal en patience. Si vous êtes dans les manifs tout à l'heure, ben, n'hésitez pas, avant d'y aller, vous m'appelez 02 38 43 48 00, c'est la petite Janet Jackson qui arrive et on l'adore avec Together Again. Belle journée, un bon réveil, coucou à Jojo qui est connecté du côté de Dampierre-en-Burnie justement, où va passer le Paris-Nice aujourd'hui à 15h. Courage à vous pour tout ce qui va se passer ce matin. On est là, on est de tout cœur, 7h40, Janet.

8h52 minutes à l'ancienne, devant la glace, à l'époque, devant les clubs discothèques, les Fat Larry's Band. Like, une belle journée, courage à vous, hein, parce qu'aujourd'hui, ça va tambouriner, hein, en ville, hein, avec les manifs, hein, à partir de 10h, ça se passe à la cathédrale, côté ciel, et bien, ça va. C'est pas trop mal. La météo. Et on peut dire qu'ils ont un peu de chance aujourd'hui pour les manifs parce qu'il n'y aura pas de pluie normalement prévue au programme. Ciel très nuageux ce matin, quelques rayons d'où le sol, il va falloir en profiter. Car le reste de la semaine quasiment pourri, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, la pluie est annoncée d'ailleurs aujourd'hui en fin d'après-midi. Et aujourd'hui du soleil, des nuages, ça va être très très couvert. Quelques rayons d'où le sol, les températures 4 degrés au lever du jour du côté de Fayolloges, Tigy ou encore Drie. 8 degrés pour les maximales aujourd'hui. Sur Orléans, la chapelle Saint-Mémin ou encore Olivet. Courage à vous si vous allez bosser ce matin. Pas facile le petit réveil, mais on est là en douceur. Les titres préférés du matin de nos auditeurs. Voici Rek Maluma. Vous adorez. Para que toques las nubes si quieres. De San Juan, ibas caminando con un par de amigas más, hacia la juguetona, como que no quieres la cosa, me tiraste una mirada misteriosa, y hey, máteme, con esa boquita embriágame, con tu cuerpo ven, sedúceme, quitémonos ya la ropa, que así desnuda te ves más sexy, para mí tú eres mi lady, yo soy tu maluma baby, amigos con derecho a tu buen provecho. À l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Ça, passer des heures à chanter tard dans la nuit. Pour m'amuser un peu, pour tuer l'ennui. Pour le fun, pour draguer les copines. Pas pour passer dans les magazines. J'aime pas ses voix pour voir toucher le cœur des gens. Mais le destin en a décidé autrement. Je suis là devant vous sur la scène. À vous donner mon amour et ma peine. Y'a eu les plateaux, y'a eu les photos. Y'a eu les télés et les villes enchaînées. Quand ça s'arrêtera, je ne sais pas, j'ai même chanté la serenade à Eva Longoria. Tout a changé. Je suis passé de l'ombre à la lumière. Mais je la joue cool. Sur ma guitare, je rêvais de concerts, jamais de la gloire. Pour kiffer, passer des soirées folles, pas pour devenir une star ou une idole. La chance a décidé de se pencher sur ma vie. Depuis, je passe mon temps à jouer de ma voix. Je pensais pas être un jour à la une. Je me sens prêt à décrocher la lune. Y'a eu les tournées, les gens par milliers, les vues par millions, par la télévision. Si par le destin, tout finit demain, je ne sais pas où j'irai, mais je sais d'où je viens. Tout a changé. Je suis passé. Avec cool, c'est ce qu'il a mis en tête des ventes à l'époque. Bandit à la planète, si vous venez d'arriver du côté d'Orléans, Saint-Privé ou encore Olivet. On vous souhaite une belle journée et un bon petit déj ce matin à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel Orléans 96.2 FM. L'horoscope, c'est maintenant. Et l'horoscope, on démarre ce matin avec les béliers. Vous maîtrisez moins aisément votre sensibilité. Vous êtes sujet à des sauts d'humeur aujourd'hui. Les taureaux, ne soyez pas très distants avec votre famille. Les gémeaux, aujourd'hui, la communication sera primordiale. Les célibataires, faites l'effort de vaincre votre réticence envers les autres. Les cancers, ce sera le moment de vous donner à fond avec votre partenaire. N'hésitez pas à lui dire des choses, des belles choses ce matin, hein, pas mal les cancers, hein. L'horoscope pour les lions, les affaires du cœur prendront une place importante dans votre vie. Les vierges, votre joie de vivre vous rend attirant. Pour les couples, la journée sera pleine de surprises. Les balances, journée calme sur le plan sentimental, mais les amis et la famille comptent pour vous aujourd'hui. Les scorpions, les relations avec votre entourage s'améliorent nettement ce matin. Les sagittaires, vous vous sentirez prisonnier des sentiments que vous éprouvez à l'égard de votre partenaire. Les capricornes, les célibataires, votre vie sentimentale très intense est marquée par la discrétion. Les Verseaux, vous renouez résolument avec le plaisir. Rien n'arrêtera votre bonne volonté ce matin. Et enfin, les Poissons, les relations avec votre partenaire seront inégales. Vos sauts d'humeur ne facilitent pas la bonne humeur aujourd'hui, justement. Bonne journée, bon réveil. Si vous venez d'arriver du côté d'Orléans, Saint-Privé, La Chapelle, Olivet, Saint-Yves, Chingy, eh bien, on vous souhaite un bon réveil. Pas facile aujourd'hui avec toutes les manifs, hein. Je vous le rappelle, Orléans Centre, hein, c'est à 10h à la cathédrale avec mobilisation quasiment générale. Il y a des collèges, des lycées fermés, les trains qui ne circulent quasiment pas, les bus quasiment à l'arrêt. Donc, prenez vos précautions ce matin. Voilà, pour ceux qui le peuvent, télétravail, c'est pas mal aussi le télétravail. Un peu de douceur dans ce monde de brut et ça fait du bien. Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Belle journée sur l'arc-en-ciel. Arc-en-ciel. La fête. Mettre la voix dans tous les quais.

se raconte une chanson pour le pire. Y'a les mots, les images pour le décrire. Un grand potentiel, la vache, la magie sur scène. Bien les années 2000 quand même, hein. C'était pas mal avec ce petit remix sympatoche là de Camaro, Femme Like You, courage à vous si vous allez au taf ce matin. José sur le chantier, chauffeur livreur aussi David là qui va livrer peut-être votre colis ce matin, enfin s'il arrive à rouler, hein, parce qu'aujourd'hui ça va être perturber un petit peu le centre de ville d'Orléans, le son du Portugal, Nemanos, 8h17, belle journée et bon réveil. FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Ya yo me cansé, no quiero ser domante. Te digo de mi parte que no aguanto más.

fines. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Ficas sozinha, Deus assim quis. Porque quem pode ser feliz? La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, la, la, la, la, la. Sozinha, Deus assim quis, porque pode ser feliz. Fica sozinha, Deus assim quis, porque pode ser feliz. Porque pode ser feliz. Porque pode ser feliz. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Camaleon, 7h-9h, Francky dans la radio, 96.2 FM, merci d'être là aussi nombreux le matin à nous écouter, ça nous fait du bien. El Reyos du Sol, le 22 avril, ça se passe à Montition, le grand bal de la radio. Samedi 22 avril, à ne pas louper, il sera sur la scène de la radio, George Guerrero, qui reprend à merveille, bala, bala, bélé, bélé. Sur la scène, 22 avril, George Guerrero, belle journée et bon courage pour le taf ce matin. Ficar louca, vai ficar. doidinha, doidinha dentro da roupa. E quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza, vai pirar a tua mente. A bebida está subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima está esquentando e só vai dar eu e você. Pra gente então fazer o quê? Para, para, para. Dans la voiture, George Galeno, le 22 avril sur la scène de Radio Arc-en-Ciel. Ça se passe à Montission, samedi 22 avril. Une belle soirée organisée par la radio. À ne pas louper, vous serez nombreux et on sera là pour faire la fête avec vous. 8h32 minutes, Bandi à la planète, l'horoscope qui arrive, la météo qui arrive et l'horoscope à 9h. La météo. Eh bien, le ciel aujourd'hui est très nuageux encore ce matin, et profitez parce que demain, normalement, la pluie devrait faire son apparition sur Orléans. Aujourd'hui, le ciel menaçant, nuageux, grisâtre, un petit peu de soleil tout à l'heure, peut-être prévu aux alentours de midi. Les températures ce matin au lever du jour, 4 petits degrés. On ne va pas dépasser les 8 voire 9 degrés. Et comme je vous le disais, quasiment toute la semaine et jusqu'à dimanche, des nuages et pas mal de pluie prévues au programme. C'est pas grave, on va se rappeler quelques bons souvenirs de vacances. Les années 80, le meilleur de la musique tous les matins pour vous réveiller avec la Madonna, oh, Holiday. C'est vrai qu'elle était plus belle à l'époque quand même, hein. Madonna et Holiday, belle journée, bon petit déj à vous. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Eu fico logo perdido a sonhar. Adoro quando me tocas, bailas sem parar. Eu fico louco e digo, vem me amar. Ils étaient nos invités il y a quelques années déjà. Les frères Mickaël et Steven avec Caméléon. Ah, c'est la grande famille de la radio. On leur passe le petit bonjour ce matin. Belle journée, bon dia à la planète. Si vous venez d'arriver du côté d'Orléans, Saint-Yves ou encore Tigy, on vous nous écoutez sur le 96 de FM. Une belle chanson écrite pour Daniel Balavoine en 1986. Voici France Gall, évidemment. Un goût de poussière dans tout et la colère qui nous suit partout. Il y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Ces questions qui ne tiennent pas debout, évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant, évidemment. Comme avant.

aujourd'hui dans les sociétés. Moi qui ai des sociétés, bah je peux te dire, je passe ma vie à payer. Hein. Quand quand j'ouvre la boîte à lettres, hein, c'est des factures. J'ai jamais un chèque qui arrive. Hein. Non, c'est que des factures. Hein. Mais bon, c'est ça, c'est la vie, hein, c'est tout le monde. Hein. Ben là, il faut qu'on fasse avec. Faut qu'on fasse avec, malheureusement. J'espère que moi j'aurai ma retraite. Hein. Toi, t'es bientôt la retraite ou t'es là? Bientôt, oui, au mois de septembre, normalement. Là, septembre, t'es la retraite? Oui, j'espère. Mais bon, tu sais, le sous-cran va être touché. Comme la vie s'augmente et tout, on va avoir de mal à vivre. On va fêter ça déjà, nous. Il y a pire. Quand tu seras à la retraite, on va fêter ça à la radio. Tu ramèneras du champagne. Bah bien sûr. On va picoler un peu. Hein. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Bah oui, mais bon, en boire avec de modération, c'est bon. Avec plein de choses aussi. Hein. Voilà. Ramènera des gonzesses aussi, non? On rigole. Bah s'il y a des gonzesses qui veulent venir, ils peuvent venir. Il y aura la présidente, hein, certainement, qui sera là. Hein. Bah oui, mais on tout le monde, tout de même. Bon ben, Monsieur Laurenceau, l'émission qui va démarrer, il y a quoi dans l'émission aujourd'hui au programme, un petit peu? Bon, c'est de musique romantique, pas tout le monde, pas les femmes et tout, et pas les hommes, mais bon, la majorité c'est pas les femmes. Voilà, un spécial du Portugal. Oui, ben, voilà. Et ben, bon dia, monsieur Laurenceau. Merci beaucoup, et bonne journée pour toi. Et puis aussi. À tout de suite, mon ami. Allez, rendez-vous demain à 7h-9h. La radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Oh, mais où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben, où ça? Aux établissements.